بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc le cours aujourd'hui, c'est le cours 5 dans l'explication du livre de Cheikh Rasulullah Abbas حفظه الله تعالى التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. C'est-à-dire le taqlid à la lumière du Coran et de la Sunna et des traditions ou des narrations salafiyya, c'est-à-dire les narrations des salafs. Et qu'est-ce qu'il explique maintenant? Bon, on était dans le chapitre, au dernier cours, on avait commencé Al-Fasl al-Thalith, la troisième partie dans le livre, qui s'intitule Adam wujud al-Taqlid al-Mustalah fi khayr al-Qurun. C'est-à-dire que dans les meilleures générations, c'est-à-dire les trois premières générations, on ne trouve pas le taqlid tel qu'il a été élaboré dans sa terminologie actuelle. C'est-à-dire le taqlid tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'existait pas à l'époque des salafs. C'est ça que le cheikh il veut expliquer maintenant. Donc on a commencé à expliquer ce chapitre-là au dernier cours, et puis on va donc le terminer aujourd'hui, inshallah. Donc le cheikh Rasulullah Abbas Rahimahullah, il a cité au dernier cours plusieurs exemples comment les salafs, lorsque on mentionnait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils détestaient que quelqu'un s'y objecte en se basant sur son opinion ou sur des idées ou sur les propos ou les pensées de quiconque. Et on a donné à ce sujet-là plusieurs citations, plusieurs narrations à ce sujet. On va donc continuer maintenant dans cette énumération des exemples que le cheikh a donné. Et ici, il cite un autre exemple. Il dit وَبَوَّبَ ابْنُ خُزَيْمَ فِي صَحِيحِهِ بَابُ كَرَاهَتُهُ مُعَارَضَةَ خَبَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَاسِ وَالرَّأِي وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه ثم روى عن سالم ابن عبد الله ابن عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال رجل أرأيت إن كان حوضا؟ قال فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا. Donc ici l'imam Ibn Khuzaymah, il a rapporté un hadith dans son sahih, et il a placé ce hadith dans un chapitre qu'il a intitulé le chapitre au sujet du fait qu'il est détestable qu'on oppose la parole du messager ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des analogies ou par des opinions, et la preuve que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour une personne de l'accepter lorsqu'il la connaît, même si il n'est pas capable de comprendre cette parole par sa raison ou par son opinion. Donc ça, c'est très important. Et il rapporte par la suite un hadith, qui est un hadith connu, rapporté selon Salim, le fils d'Abdullah ibn Omar, selon son père, Abdullah ibn Omar, selon son père, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab. Donc c'est une chaîne, c'est un hadith qui a été rapporté de père en fils, hein, sur plusieurs générations. Donc Salim, il rapporte de son père Abdullah, il rapporte de son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc c'est le hadith, hein? حديث موصول، نعم، وهو يعني كأنه يروي عن جده، كأنه يروي الحديث عن جده، لأن سالم هو يعني هو حفيده. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit، donc Omar ibn al-Khattab il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'un d'entre vous se réveille، hein, il a dormi، donc lorsqu'il se lève، qu'il ne fasse pas entrer sa main dans le contenant dans lequel il y a de l'eau. Comme par exemple s'il veut se laver ou s'il veut faire son wudu, il ne doit pas rentrer directement sa main dans le contenant duquel il veut se laver. Mais avant de rentrer sa main dans le contenant, il doit laver sa main à l'extérieur du contenant en versant de l'eau dessus, laver comme il faut. Ensuite, il peut rentrer ses mains dans l'eau. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que l'un d'entre vous, il dit, parce que nul ne sait où sa main a passé la nuit. Parce que nul ne sait où sa main est allée pendant la nuit. Hein? Et donc, à cause de ça, peut-être qu'il y aurait sur sa main des impuretés. Et s'il met sa main dans l'eau, alors que sur sa main, il y a des impuretés, il risque de souiller l'eau. Et donc, par la suite, l'eau serait pas, yani, serait souillée. Donc, laver les mains avant de faire rentrer les mains dans le contenant. Et il y a un homme qui était présent, il a dit à Omar ibn Omar, vois-tu si, par exemple, il dit, vois-tu si il y avait un bassin, un gros bassin, hein, ou par exemple une piscine, ou bien quelque chose comme ça. Il dit, est-ce que dans ce cas-là, il faudrait, est-ce que c'est la même chose? Et Abdullah ibn Omar, il n'a pas aimé ça, ce genre de questions. Parce que c'est comme si tu veux philosopher avec le hadith. Le hadith, il est clair, il dit, rentre pas ta main, si ta main, tu viens de te lever, rentre-la pas dans le contenant. Donc, tiens-toi à ça. Lui, il veut essayer de faire des analogies. Hein, et de comparer un contenant avec un bassin ou une piscine. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, il dit, فَحَصَبَهُ. Alors, Omar ibn Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a lancé une pierre. فَحَصَبَهُ. رَمَهُ بِحِجَارَ. يعني فَحَصَبَهُ. وقال يعني il a dit je t'informe du messager d'Allah et toi tu dis est-ce que tu as vu vois-tu qu'est-ce que tu dis ou vois-tu si c'était un bassin ou des choses comme ça. Il a pas aimé ça, il s'est fâché. Après le cheikh il dit warawa ibn majah bi isnad sahih anna ubadah ibn samit al-ansari an-naqib صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون بكسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمارة أو إمارة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمارة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. وأخرجه الدارمي بإسناد صحيح مختصرا. Donc ici on voit l'exemple ici de un autre hadith qui est rapporté par Ibn Majah avec une chaîne de transmission qui est authentique, que Ubadat ibn Samit al-Ansari radiyallahu anhu, ça c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et à l'époque Muawiya radiyallahu anhu, il était l'amir de la région de la Syrie, la Palestine, le Liban, toute cette région-là, c'était lui le gouverneur là-bas. Alors, Ubadat ibn Samit était dans cette région, et Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il avait combattu les Romains avec Muawiya dans cette région. Hein. Et donc, lui, Ubadat ibn Samit, il a observé qu'est-ce que les gens étaient en train de faire comme commerce. Il voyait qu'ils vendaient des pièces d'argent, ils échangeaient ils prenaient de l'argent, de l'or pour échanger contre des pièces d'or et de l'argent pour échanger contre des pièces d'argent. Alors, il leur a dit, vous êtes en train de faire le riba, vous êtes en train de consommer de l'intérêt. Alors, il a mentionné le hadith, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, ne faites pas des échanges de l'or pour de l'or, excepté si c'est de l'or à égalité, c'est-à-dire même quantité, même qualité, même valeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas échanger un vieil or pour un or qui est nouveau, ou bien des choses comme ça. Et la même chose pour l'argent. Ou bien échanger des dates qui sont vieilles contre des dates fraîches. Hein? Il faut que ce soit pareil à pareil. Et donc, quand il a vu ça, il a dit, ça c'est du riba. Parce que le prophète s'en souvient, il dit, il ne faut pas qu'il y ait de surplus entre les deux. Hein? Parce que quelqu'un il va dire, cet or-là, il est nouveau, il vaut plus que l'ancien. Alors, je vais te donner deux pièces d'or pour cette pièce d'or. Hein? Ou bien tu vas me donner deux pièces d'or pour cette pièce d'or. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre les deux. Les deux ne sont pas de même valeur. Mais toi, tu les échanges comme si c'était égal. Donc ça, c'est du riba parce qu'il y a un surplus. D'accord? Et donc, ici, Muawiya a entendu ça. Il a entendu qu'est-ce que Ubadat ibn Samit a dit. Et Ubadat ibn Samit, sa kunya, c'est Abu al-Walid. Alors, Muawiya a dit, « Ya Abu al-Walid, je ne vois pas le riba là-dedans. Hein? Je ne vois pas le riba là-dedans. Où est-ce qu'il est le riba? Hein? » Alors, Ubadat ibn Samit, il était très fâché. Il a dit, « Je te mentionne le hadith du messager d'Allah et toi, tu me parles de ton opinion. » Il a dit, par Allah, hein, il dit, il m'a dit, si Allah me fait sortir, je ne vais jamais habiter dans une terre sur laquelle tu as une autorité dessus. Et il est parti et il est retourné à Médine. Une fois arrivé à Médine, Omar ibn al-Khattab, le khalifa, radiyallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qui t'a ramené ici, ô Abu al-Walid? Alors, il lui a expliqué l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé. Et il lui a dit qu'il n'allait jamais habiter dans une terre où lui, il allait avoir une autorité dessus. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui a dit, retourne, hein, retourne là-bas, ya Abu al-Walid, retourne sur ta terre. Et que Allah maudisse la terre sur laquelle tu n'es pas dedans. Hein? Toi ainsi que tes semblables. Subhanallah. Toi et ceux qui sont comme toi. Hein? قَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا. En voulant dire, cette terre-là, si des gens, si toi ou des gens comme toi, ils sont pas là-bas, alors cette terre-là, elle ne va pas avoir de la baraka. Hein? Retourne. Il a dit, et il a écrit une lettre à Muawiyah en lui disant, tu n'as aucune autorité sur lui. Et amène les gens ou dit aux gens de prendre la, qu'est-ce que lui, il a dit, le hadith qu'il a dit. Et c'est parce que c'est ça l'ordre que tu dois suivre. Et donc, ensuite, donc, il l'a fait. Donc, c'est pour dire, ça, c'est rapporté par Ad-Darimi, avec une chaîne de transmission qui est authentique, et c'est rapporté de cette façon, résumé aussi. Hein, donc, pour dire que on ne doit pas s'objecter à la parole du professeur Salam. Pourtant, aujourd'hui, à notre époque, comment des gens se permettent de philosopher et de rentrer leurs opinions dans le hadith, puis de vouloir débattre avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est comme s'ils n'ont pas le respect en fait pour la sunna. Et ça, c'est encore plus visible lorsque des gens défendent aveuglément un madhab qui contredit la sunna dans certaines positions. Et quand tu leur ramènes la preuve que qu'est-ce qui est dans le madhab, c'est en contradiction avec les dalils authentiques, eh bien, ils commencent à te dire, oui, mais bon, ça c'était, hein, ça c'est le madhab, et nous on suit ça, c'est ça que... Yani, imaginez si les sahaba auraient entendu quelqu'un dire ça. Hein? Imaginez si les sahaba auraient entendu quelqu'un dire, oui, mais ça c'est le hadith, mais moi je suis mon madhab. Oh, ils auraient été en colère. Ils auraient probablement dit, moi je ne te parle plus jamais des gens comme toi, je ne veux rien savoir de toi. Peut-être il aurait lancé une pierre. Après le cheikh, il dit وروى الفسوي ومن طريقه الخطيب أو روى الفسوي ومن طريقه الخطيب في تاريخه قال سمعت علي ابن المديني يقول قال محمد بن خازم أبو معاوية الضرير كنت أقرأ حديث الأعمش عن أبي صالح عن أمير المؤمنين هارون فكلما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سيدي ومولاي حتى ذكرت التقى آدم قال صلى الله عليه وسلم سيدي ومولاي حتى ذكرت التقى آدم وموسى يعني هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه صحيح وقال عمه يعني سماه علي وذهب علي فقال يا محمد أين التقيا فغضب هارون يعني هارون الرشيد رحمه الله فغضب هارون وقال من طرح إليك هذا وأمر به قال فحبسه ووكل به ووكل به من حمش من حمشه أو من حمشه نعم ووكل به من حشمه أو من حشمه من أدخلني عليه في محبسه فقال يا محمد والله ما هو إلا شيء خطر ببالي وحلف لي بالعتق وصدقة المال وغير ذلك من مغلظات الأيمان ما سمعت من أحد ولا جرى بيني وبين أحد في هذا كلام وما هو إلا شيء خطر على بالي قال فلما رجعت إلى أمير المؤمنين كلمته قال ليدلني على من طرح إليه هذا الكلام فقلت يا أمير المؤمنين قد حلف بالعتق وبمغلظات الأيمان أنه إنما شيء خطر على بالي لم يجري بيني وبين أحد فيه كلام قال فأمر به فأطلقه من الحبس وقال لي يا محمد ويحك توهمت أنه طرح إليه بعض الملحدين هذا الكلام الذي خرج منه ليدلني عليهم فأستبيحهم، وإلا فأنا على يقين أن القرشي لا يتزندق، وهذا أو نحوه من الكلام. سبحان الله. وأخرج الصابوني بإسناده قال أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب هارون وقال ويحك، وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. وقال الإمام الصابوني بعده هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى أو يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم من عقيدته أصحاب الحديث، من عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله. Donc il dit ensuite le cheikh que Al-Fasawi, il a rapporté par sa chaîne ainsi que Al-Khatib dans son livre At-Tarikh, ou bien si c'est Al-Fasawi dans son livre At-Tarikh, de la même voix que Al-Khatib Al-Baghdadi, et c'est probablement tiré du livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Il dit donc, j'ai mentionné, ou bien plutôt j'ai entendu Ali ibn al-Madini qui dit que Muhammad ibn Khazim, Abu Muawiyah al-Darir, a dit j'étais en train de lire un hadith rapporté selon Al-A'mash, selon Abi Salih, à Amir al-Mu'minin Harun al-Rashid. Harun al-Rashid qui était à cette époque le khalifa, et un des grands khulafa, et c'était un khalifa qui était rachid, yani il aimait on l'appelle al-rachid parce que c'est quelqu'un qui était droit, et en même temps il aimait la sunna et le hadith, il respectait les ulama de la sunna et du hadith, alors il aimait qu'on lui mentionne les hadiths et la sunna. Alors malgré que les kuffars ils ont fait une image de Harun al-Rashid, parce que c'était à l'époque que les Shi'as ont écrit les Mille et Une Nuits et tout ça, là, les romans de Mille et Une Nuits. Tout ça, c'est des mensonges, ce qu'ils ont dit contre Harun al-Rashid. Parce que c'était un défenseur de la Sunna et les Shi'as détestaient ça. C'est pour ça qu'ils ont écrit sur lui plein de mensonges. Donc, يعني أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله à chaque fois que je disais قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lui il disait صلى الله عليه وسلم سيدي ومولاي. À chaque fois qu'il entendait le nom رسول الله صلى الله عليه وسلم lui il disait صلى الله عليه وسلم سيدي ومولاي. Il dit jusqu'à ce que j'ai mentionné التقى آدم وموسى, c'est-à-dire Moussa, Adam et Moussa se sont rencontrés. Et c'est le hadith célèbre qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim au sujet de l'argument qu'il y a eu entre Adam et Moussa. C'est lorsque Moussa a dit à Adam, « Oh Adam, pourquoi tu nous as fait sortir du paradis ?» Et Adam lui a dit, « Pourquoi tu me blâmes pour quelque chose qui a été écrit pour moi, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. » Alors, il dit, C'est comme ça que Adam a eu le dessus sur Moussa alayhi salam. Et donc, ce hadith, il est très connu et il y a une belle explication à son sujet qui clarifie beaucoup de shubuhat justement au sujet du qadar et qui réfute les gens de bid'a là-dessus. Donc, toute façon, ça c'est un autre sujet pour un autre dars. Ici, donc, le cheikh, il a juste mentionné que Abu Muawiyah al-Darir, il a cité ce hadith. Et Harun al-Rashid, il était présent. Et il y avait quelqu'un qui était présent, hein, qui écoutait avec le khalifa. Hein, et il l'a appelé Ali. Hein. Il dit que quand il a entendu ce hadith-là, la personne qui était avec Harun al-Rashid, il a dit, comment, oh Mohammed, hein, son nom c'est Mohammed ibn Khazim, Abu Muawiyah, c'est lui le cheikh qui rapporte le hadith. Il dit, oh Mohammed, comment ils ont pu se rencontrer, hein, en voulant dire, ils n'étaient pas à la même époque, comment ils ont pu se rencontrer. Alors Harun al-Rashid, rahimahullah, il s'est mis en colère quand il a entendu cette question. Hein? C'est comme si, comment tu peux poser la question et demander comment, hein? Il s'est mis en colère à ce sujet-là. Et il lui a dit, c'est qui est-ce qui t'a ramené ce genre de questionnement, hein? C'est qui t'a ramené ou inspiré ce genre de questionnement? Alors, il l'a fait emprisonner. Hein? Et il a dit, j'ai demandé, la personne, je pense que c'était Ali, est-ce que c'était Ali ibn al-Madina qui était présent, ou bien quelqu'un qui était là, qui a dit, laisse-moi, peut-être c'était même le rapporteur, celui qui rapportait le hadith, il a dit, laisse-moi aller lui parler. Hein? Il est allé voir celui qui était responsable, qui le gardait, pour lui demander la permission de pouvoir rentrer dans sa prison pour aller lui parler. Alors il est rentré et il a dit, la personne qui a été emprisonnée, qui a posé la question, comment ils se sont rencontrés, il a dit, oh Mohammed, hein, au cheikh, il parle au cheikh, Abu Muawiyah, il dit, oh Mohammed, par Allah, hein, c'est juste une idée qui m'est venue par la tête comme ça, et je jure, hein, je jure que si je mens, je libère mon esclave. Hein, et il a fait plein de serments solennels, hein, en disant, j'ai pas entendu ça de personne. Hein. Je jure que j'ai rien entendu ça de personne et j'ai jamais discuté de ce sujet-là avec personne d'autre. C'est seulement une idée qui m'est passée par la tête. Hein. Alors il dit, il est retourné voir Amir al-Mu'minin, hein, le Khalifa, et puis il lui a expliqué. Hein, il lui a expliqué la situation. Il a dit, je voulais qu'il m'indique les gens avec qui il avait eu ce genre de discussion ou de conversation pour que je puisse les attraper, hein, pour que je puisse savoir c'est qui ces gens-là qui émettent ce genre de questionnement-là. Et le cheikh, il a dit, « Oh Amir al-Mu'minin, il a juré, hein, de libérer son esclave s'il ment. » Et il a fait des serments solennels que c'est seulement une chose qui lui est passée par l'esprit. Hein? Et qu'il n'avait jamais eu de discussion avec quiconque au sujet de cette parole. Alors, le khalife a ordonné qu'on le fasse sortir de la prison. Alors, la personne qui avait été emprisonnée, qui est sortie, il dit, « Oh, Mohammed, hein? » C'est ça. En fait, ici, c'est le khalife qui a dit au cheikh, « Oh, Mohammed, malheur à toi. Hein? J'ai pensé que c'est certains hérétiques ou certains égarés, des gens déviés qui lui ont inspiré ce genre de parole, hein, qui est sorti de sa bouche. Et je voulais qu'il m'indique qui ces gens-là sont pour que je puisse les attraper pour, hein, les exécuter. Hein? Il dit, parce que sinon je suis presque certain qu'un Qurashi, hein, un musulman de la tribu de Quraysh, il ne va pas tomber dans la Zandaqa, il ne va pas devenir un hérétique, hein, où il a dit des paroles semblables. Donc ça, c'est rapporté par Al-Fasawi dans son tarikh, et aussi par Al-Khatib Al-Baghdadi dans son tarikh aussi. Donc, ce n'était pas dans Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, mais c'est dans Tarikh Baghdad. Ensuite, l'imam As-Sabouni, il le mentionne, la même histoire avec une chaîne de transmission. Il dit que Abu Muawiyah Ad-Darir, il mentionnait un hadith à Harun al-Rashid. Et il lui a rapporté le hadith de Abi Huraira de la discussion entre Adam et Moussa. Alors, c'était quelqu'un qui s'appelait Isa ibn Ja'far. C'est lui qui a posé la question. Comment ils se sont rencontrés? Alors qu'entre Adam et Moussa, il y a une grande différence, un grand espace. Alors, Harun al-Rashid, il l'a fait emprisonner, il l'a puni. Il a dit, malheur à toi. On te mentionne le hadith du messager d'Allah et toi, tu t'y objectes. Tu t'y objectes en demandant comment. Alors, il a continué à dire cette parole jusqu'à ce qu'il se tue. Et l'imam As-Sabouni, rahimahullah, c'est lui qui a écrit Aqidatu Salaf ou Ashab al-Hadith, un bon livre de Aqidah, très célèbre. L'imam As-Sabouni, il a dit, c'est ainsi que le musulman doit être. Il doit donner du respect aux paroles du messager d'Allah. Il doit l'accepter avec soumission et y croire de façon complète. Et il doit rejeter et condamner de la façon la plus sévère quiconque aurait emprunté une autre voie que celle-là. Une autre voie que celui que le khalifa Harun al-Rashid a emprunté avec ceux qui s'objectent avec les narrations authentiques. Celui qui l'entend puis qui demande comment, il doit être condamné. Et le cheikh, il dit, comment il peut demander comment à propos des paroles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'entend en demandant, en disant comment, comme s'il le rejette. Ou comme si il éloigne la possibilité que cette parole soit acceptée ou véridique et qu'il ne l'accepte pas. Donc, il est obligatoire d'accepter tout ce qui a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Que tu trouves que ce soit rationnel ou que tu penses que ce ne soit pas rationnel. S'il y a un problème, ce n'est pas dans le hadith authentique. Mais c'est dans ta compréhension à toi qu'il y a un problème. Ensuite, le cheikh il dit, وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي السِّيَرُ عَنْ خَرٍ زَادَ الْعَابِدُ عَنْ خَرْ زَادَ الْعَابِدُ قال حديث أبا معاوية حديث حدث أبو معاوية بحديث احتج آدم وموسى فقال رجل شريف فأين لقيه؟ فغضب الرشيد قال النطع والسيف زنديق يطعن في الحديث فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه يا أمير المؤمنين حتى سكن وهذه الحادثة تدل على ما وقع من فتن الإلحاد والزندقة في زمن هارون وأنه كان مرهف الحس حاد الذهن في إدراك الفتن رحمه الله ومطاردا لها قلت أما اعتراض المعترض أين التقيا فأقول فيه أولا إنه متى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبقى إلا التسليم وقال ابن عبد البر مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأن لم نؤتى من جنس هذا العلم إلا قليلا ويظهر أنه يكون يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بوحي من الله عز وجل وذلك لأنه جاء في رواية مسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما طيب. Donc le cheikh il explique ensuite et il dit que l'imam al-Dhahabi rahimahullah il mentionne dans son livre Siyar A'lam al-Nubala selon Kharzad al-Abid l'histoire à propos de justement Harun al-Rashid avec celui qui a posé la question lorsque Abu Muawiya a cité le hadith que Adam et Moussa ont eu une discussion. Alors, l'homme parmi les Ashraf, c'est un homme parmi les Ashraf, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un Qurashi, qui était présent. Il a dit, où est-ce qu'il l'a rencontré? Il a dit, où est-ce qu'il l'a rencontré? Où est-ce que Adam a rencontré Moussa? Alayhi salam. Alayhi salam. Alors, Harun al-Rashid, il s'est mis en colère. Il a dit, on va le punir, on va lui donner l'épée. C'est un hérétique. Il attaque le hadith. Alors, Abu Muawiya, il a commencé comme à essayer de le calmer. Il lui dit, c'est juste une, comme si on voulait dire, c'est une parole qui est venue de lui, Amir al-Mu'minin. C'est pas quelque chose qu'il a réfléchi quand il a dit ça. Alors, il l'a calme jusqu'à ce qu'il se calme. Et il dit, cet événement ou cet incident nous montre qu'il y avait de grosses fitanes d'hérésie et d'athéisme et d'égarement à l'époque de Harun al-Rashid, rahimahullah. Et par conséquent, c'était juste en passant, c'était le Harun al-Rashid, si je ne me trompe pas, mais celui qui l'a succédé, c'était al-Ma'moun, Khalifatul Ma'moun. Celui justement qui a ouvert la porte au Mu'tazila et qui a ouvert la fitna de Khalq al-Qur'an. Donc Harun al-Rashid, rahimahullah, qui était sur la sunna et qui défendait la sunna, il sentait qu'à son époque, il y avait des fitanes et qu'il y avait des hérétiques qui mettaient des doutes sur la sunna et qui reniaient le qadar et qui avaient beaucoup d'innovations comme les Mu'tazila et les Jahmiya. Alors, il sentait ça. Alors, aussitôt qu'il sentait une personne qui essayait de mettre des ambiguïtés ou des doutes ou de dire des choses qui impliquent qu'il essaie de remettre en question les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna, aussitôt, automatiquement, il les arrêtait. Et là, on voit justement un exemple de ça. Et qu'est-ce qu'il mentionne, le cheikh? Il dit donc que cet événement-là nous montre, et cette situation-là, ça nous montre qu'il y avait beaucoup de fitanes et d'hérétiques à cette époque. Et c'était l'époque de Harun al-Rashid. Et il était très sensible à toute hérésie, à tout égarement de ce genre. Et il avait l'esprit très vif pour sentir les fitanes, les troubles. Et il faisait tout pour essayer de les chasser et de les pousser. Et le cheikh, il dit, en ce qui concerne l'objection de celui qui s'est objecté ou qui a posé la question où est-ce qu'ils se sont rencontrés, il dit, je dis à ce sujet, premièrement, lorsque on n'arrive pas à comprendre quelque chose et qu'on n'arrive pas à comprendre les problèmes qu'il peut y avoir dans une narration, il ne nous reste que à nous soumettre et à accepter. Parce que c'est une narration qui est authentique. Et Ibn Abdel Barr, il a mentionné, il a dit, pour moi, ce genre de narration, il est obligatoire de s'y soumettre. C'est-à-dire, c'est obligatoire de l'accepter. Et il dit, tu ne peux pas trouver de clarification claire et nette au sujet de ce genre d'exemple qu'on retrouve, par exemple, dans certains hadiths. Il dit, sauf que j'ai trouvé... Il dit qu'on ne nous a pas donné de science sur ce genre de sujet, excepté que très peu. Et il a dit, et ce qui m'est apparent, c'est que cette rencontre entre Adam et Moussa sera au jour de la résurrection. Il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cela selon la révélation qu'il a reçue de la part d'Allah. Et il dit, il a été rapporté dans la narration de ce hadith par l'imam Muslim que Adam et Moussa alayhim assalam ont eu cet argument ou cette discussion auprès de leur Seigneur, عند ربهما, ce qui indique que ça, c'est possible que ce soit au jour de la résurrection. Dans toutes les situations et dans tous les cas, lorsqu'on entend une genre d'histoire ou de rapport dans les hadiths de ce genre, la seule chose qui est obligatoire pour nous de faire, c'est de l'accepter et de se soumettre. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa fi riwayati Umar, عند أبي داود, يا رب, أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة, فأراه الله آدم, فالراجح أن ذلك لم يقع بعد, وإنما يقع في الآخرة. Il dit le cheikh que dans une autre narration qui est rapportée selon Omar, par l'imam Abu Daoud, qui dedans il y a « Ô mon Seigneur », il dit dans le hadith « Ô mon Seigneur, montre-moi », donc c'est Moussa alayhi salam qui dit « Ô mon Seigneur, montre-nous Adam, qui nous a fait sortir du paradis, ainsi que lui-même, qui s'est fait sortir lui-même ainsi que nous du paradis, et Allah lui a fait voir Adam. » Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir Adam. Donc il dit ce qui est donc plus proche de la vérité à ce sujet-là, c'est que cet événement-là ne s'est pas encore produit. C'est quelque chose qui va se produire au jour de la résurrection ou bien dans l'au-delà. Wallahu a'lam. Après le cheikh, il dit « وَقَدْ حَصَلَ الْإِجْمَعَ عَلَى الْأَخْذِ بِالنَّصِ وَلَا يُتْرَكُ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مَهْمَا عَلَتْ مَنْزِلَتُهُ فِي الْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ وَقَدْ نَقَلَ هَذَا الْإِجْمَاعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ حَتَّى إِنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا يَرْضَوْنَ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَ تَابِعِيٍّ عَلَى قَوْلِ صَحَابِيٍّ خَاصَّةً من الخلفاء الراشدين. Donc le cheikh il dit, il y a donc un consensus qui a été rapporté sur le fait de prendre le texte qui est explicite dans la religion et qu'il n'est permis à quiconque de délaisser le hadith authentique ou la preuve authentique et explicite pour la parole de quiconque parmi les imams dans la religion, peu importe à quel point son degré dans la science est élevé. Et peu importe que ce soit un très grand imam. Et il dit que l'imam al-Shafi'i, il a rapporté même un consensus à ce sujet-là. L'imam al-Shafi'i, il dit dans une de ses paroles qu'on a déjà mentionnées dans les cours précédents, que les ulama sont tous d'accord sur le fait que quiconque pour qui la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de quiconque. Il n'est pas permis pour lui de laisser la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quiconque autre. Et il dit que même que certains parmi les salafs, ils n'acceptaient pas, ils n'acceptaient pas qu'on donne précédence à la parole d'un tabi'i sur la parole d'un sahabi, en particulier si il s'agit des khulafa ar-rashidin. Et il dit wa awrada ibn al-qayyim bi isnad sahih 'an al-haytham ibn jamil qala qultu li malik ibn anas ya aba abdullah إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. وذكر عن أبي داود. قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير، يعني بعد الرجل مخير، بعد الرجل فيه مخير. قال: هكذا كنت، وهكذا كانت سنة التابعين والأئمة المهديين. كانت السنة أجل وأعظم في صدورهم من الرجال، ولم يكونوا يصبرون على مخالفة السنة. أخرج الدارمي عن قتادة أنه حدث ابن سيرين رجلا، حدث ابن سيرين رجلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان ابن فلان وكذا وكذا؟ لا أكلمك أبدا. Donc le cheikh, il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il rapporte avec une chaîne authentique, et c'est dans I'lam al-Muwaqqi'in, selon Al-Haytham Ibn Jamil. Il dit: j'ai dit à Malik Ibn Anas. Donc Al-Haytham Ibn Jamil, il dit: j'ai dit à l'imam Malik Ibn Anas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oh Abba Abdillah. Parce que la kunya de l'imam Malik, c'est Abu Abdillah. Donc il dit à l'imam Malik: ya Abu Abdillah, on a chez nous des gens qui ont écrit un livre, ou ils ont rassemblé un livre entre eux. Et l'un d'entre eux, il dit: Haddathana Fulan ibn Fulan an Omar, bikada wa kada. Donc c'est-à-dire, un tel, selon un tel, nous ont rapporté, selon Omar ibn al-Khattab, de telle chose. Et ils disent une autre citation: et un tel nous a rapporté selon Ibrahim al-Nakhai, par exemple, de telle ou de telle parole. Ibrahim al-Nakhai, c'est un tabi'i. Donc il mentionne la narration de Omar, puis après il mentionne la narration de Ibrahim. Puis ils prennent la parole de Ibrahim. Alors qu'est-ce qu'il a dit Malik? Il a dit: est-ce que pour eux la parole de Omar est authentique? C'est-à-dire, quand ils rapportent la parole de Omar, pour eux, est-ce qu'ils la considèrent authentique, cette parole-là? Il répond, il dit: yani, c'est juste une narration qui est authentique pour eux, comme la parole d'Ibrahim. Alors Malik, il dit: haoula yustataboun. Il dit: ceux-là, on doit les appeler à se repentir. Et il dit: et on a rapporté selon Abu Daoud qu'il a dit à l'imam Ahmed, parce que l'imam Abu Daoud, qui a écrit le Sunan, il est un des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors il pose la question, il dit à l'imam Ahmed: est-ce que Al-Awza'i, il était plus sur le suivi de la Sunna que l'imam Malik? Alors qu'est-ce que l'imam Ahmed lui a répondu? Il lui a dit: ne suis pas aveuglément dans ta religion quiconque de ceux-là. Il dit: ce qui est venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, prends-le. Puis ensuite, les tabi'in, un homme a le choix dans qu'est-ce qu'il dit. Ensuite, les tabi'in, un homme a le choix entre eux dans qu'est-ce qu'ils disent. Et il dit: c'est ainsi que la sunna, c'était à l'époque des tabi'in et des imams bien guidés. C'est comme ça qu'ils avaient un grand respect pour la sunna. Et ils n'acceptaient pas qu'on contredise la sunna pour quoi que ce soit. Parce que la sunna pour eux était dans leur cœur plus grande et plus importante que les hommes. Donc ils ne plaçaient pas la parole de quiconque devant le hadith. Et il est rapporté par l'imam Ad-Darimi, selon Qatada, que Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, il a mentionné un hadith à un homme. Alors l'homme a dit, un tel m'a dit telle chose. Et l'imam Muhammad Ibn Sirin, il a répondu, il a dit, est-ce que moi je te mentionne le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis toi tu dis, un tel et un tel a dit telle et telle chose. Il dit, je ne te parle plus jamais. Il dit, c'est fini, je ne te parle plus jamais. Et c'est rapporté dans Sunan Abi Daoud, dans Sunan Ad-Darimi. Donc ici, on voit le respect des salafs pour la sunna et pour le hadith. Donc aujourd'hui, imaginez des gens qui suivent aveuglément le hadith. Et, subhanallah, on leur mentionne le dalil et ils disent, ah, mais moi je suis mon madhab. Allah al-Musta'an. Les salafs auraient été très en colère d'entendre des gens dire des choses comme ça. Le chapitre suivant, c'est Al-Fasl al-Rabi' Man yasuru lahu at-taqlid wa man la yasuru lahu. C'est-à-dire, à qui est-il permis de faire le taqlid et à qui il n'est pas permis de le faire. Donc, ou bien plutôt, pour qui il est acceptable ou tolérer qu'on fasse le taqlid et pour qui ce n'est pas le cas. On va s'arrêter ici donc pour aujourd'hui et on continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.